des bombes et la peur. Une peur panique, car les terroristes frappent toujours dans des endroits surpeuplés, car ils veulent tuer le plus de monde possible. Le bilan de leur dernier attentat, le 17 septembre 1986, est terrible. À Paris, rue de Rennes, dans le magasin Tati, 7 personnes trouvent la mort et 55 autres sont blessées. Tout a commencé le 7 décembre 1985 par un double attentat au printemps et aux Galeries Lafayette. Le caractère artisanal des bombes fait penser à l'acte d'un déséquilibré. L'an passé déjà, un homme s'était attaqué au BHV lors des fêtes de Noël. Mais dès le début du mois de février de la nouvelle année, une bombe éclate avenue des Champs-Élysées dans la galerie marchande du Claridge. Ce même jour, un engin explosif est désamorcé au troisième étage de la Tour Eiffel. Le lendemain, c'est la clientèle de la librairie Gibert, place Saint-Michel à Paris, qui est frappée. Puis le Forum des Halles et le TGV Paris-Lyon. Tous ces attentats sont revendiqués par un mystérieux CSPPA, le Comité de solidarité avec les prisonniers politiques arabes et du Proche-Orient, un mouvement encore inconnu, qui réclame la libération de l'Iranien Anis Nakash, de l'Arménien Varadjan Karbidjan et du Libanais Georges Ibrahim Abdallah. À chaque fois, c'est un explosif très puissant, le C4, qui a été utilisé. Un explosif qui a déjà servi au Liban en particulier, dans un attentat contre l'ambassade de France à Beyrouth. Les enquêteurs pensent que le CSPPA est un mouvement fantôme qui dissimule les activités du djihad islamique animé par des musulmans chiites inspirés par Téhéran. C'est pourquoi, à la mi-mars, à la veille des élections législatives qui verront la victoire de Jacques Chirac, le juge Marceau ordonne une rafle dans les milieux intégristes chiites. Plusieurs dizaines de militants sont interpellés, mais, faute de preuves, ils devront être relâchés. D'autres sont expulsés. On apprendra plus tard que se trouvaient parmi tous ces hommes les membres du réseau terroriste qui a ensanglanté la capitale. Jacques Chirac, à peine nommé Premier ministre, les attentats recommencent, toujours revendiqués par le CSPPA. Puis, c'est le calme. Le gouvernement, qui a entamé des négociations secrètes avec l'Iran dans le but d'obtenir la libération des otages français au Liban, pense en avoir fini avec le terrorisme. Mais en septembre 1986, une nouvelle vague d'attentats sème la terreur dans Paris. Ils sont à nouveau revendiqués par le CSPPA. Cette fois, on envisage la piste libanaise et on accuse le clan Abdallah qui aurait tué pour se venger des autorités françaises. En effet, Georges Ibrahim Abdallah se trouve toujours sous les verrous. Or, au terme d'une négociation qui a permis la libération du Français Gilbert Pérol, il aurait dû être libéré. Cette hypothèse sera privilégiée par les enquêteurs jusqu'au jour où, en mars 1987, grâce à la dénonciation d'une taupe, les véritables auteurs de ces attentats seront arrêtés. Tous sont des chiites, tous sont liés au Hezbollah, un mouvement très proche de l'Iran de Khomeini et qui est également le responsable des prises d'otages occidentaux au Liban. Une taupe, donc, a permis ce succès. Une taupe qui sera escamotée par le contre-espionnage français. Une taupe qui met clairement en cause les autorités iraniennes. Mais dans quelles conditions cet homme, d'origine tunisienne, a-t-il trahi ses amis terroristes ? Une partie du mystère demeure. Monsieur X se propose de dissiper quelques-unes des obscurités de ce dossier, et en particulier celle-ci. La taupe était-elle vraiment une taupe ? France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Le terrorisme, c'est une question terrible pour les services secrets, la plus difficile sans doute, parce que l'adversaire est souvent insaisissable, parce qu'il se dissimule derrière des sigles interchangeables, et parce que même si parfois on met la main sur les artificiers, on montre rarement jusqu'aux commanditaires, enfin je veux dire, les vrais commanditaires. Oui, qui sont des États dans la plupart des cas. Oui, c'est juste, et ça peut donc donner lieu à toutes les manipulations. On a vu des groupes terroristes qui se mettaient successivement au service de tel ou tel État au gré des circonstances. Vous pensez à Carlos, là ? Oui, ou à Abu Nidal. Et puis il y a l'aspect symbolique des attentats, enfin il faut comprendre, décrypter. Un attentat veut toujours dire quelque chose. La cible, la date, le lieu, la revendication ont un sens dont il faut pouvoir saisir le sens caché. Enfin bref, c'est l'horreur au sens propre comme au sens figuré. Mais il faut parfois répondre avec les mêmes méthodes. C'est arrivé, c'est vrai. Enfin, l'exemple le plus spectaculaire a été donné par les Soviétiques au Liban. Mmh. Pour répondre à des preneurs d'otages, ils se sont emparés de quelques terroristes et les ont proprement découpés en morceaux. Bon, il semble que ça a été très dissuasif. Hein. Oui, on peut voir les choses comme ça. Mais venons-en, si vous voulez, enfin, aux attentats de 86. Volontiers. Je ne reviens pas sur le détail. Je vous rappelle simplement que cette douzaine d'attentats commis essentiellement à Paris a causé la mort de 13 personnes et en a blessé plus de 250 autres. Et au même moment, il y avait tous ces otages détenus au Liban par le Hezbollah. Hein. Et tout est lié, naturellement, mais n'allons pas trop vite. Pendant longtemps, vous le savez, on a pensé dans les services que le coup venait d'un groupe intitulé les Fractions Armées Révolutionnaires Libanaises. Les FARL. Oui, un mouvement proche du FPLP palestinien, essentiellement animé par les frères Abdallah. Mais les FARL avaient déjà précédemment frappé en France. Oui, hein. Oui, ils avaient commis des attentats et tué un attaché militaire américain et un diplomate israélien. Donc on pouvait légitimement les soupçonner. D'autant que l'un des frères Abdallah était emprisonné en France et qu'on avait découvert dans l'une de leurs planques parisiennes tout un arsenal et des documents accablants. Par conséquent, le clan aurait pu vouloir se venger. Naturellement, c'est pourquoi, pendant longtemps, non sans raison, on a privilégié la piste des FARL, même si beaucoup d'enquêteurs regardaient ailleurs, vers l'Iran par exemple. Mais il fallait aussi penser à l'opinion publique et la piste Abdallah offrait des coupables sur mesure. Je me souviens qu'on avait affiché leurs photos un peu partout. Oui, hein. Tout à fait. Mais au premier trimestre 87, un événement considérable se produit. Ah, c'est ça, alors l'apparition de la taupe. Hein. Oui, la taupe. Un certain Lofti Ben Kala, un Tunisien marié à une Française. Hein. Avant de voir plus précisément enfin, qui il est, vous pouvez peut-être me dire comment il se manifeste. Bien sûr. On est donc à la fin février 87. Lofti revient en France avec sa famille après avoir séjourné plusieurs longs mois en Iran. Il s'installe chez ses beaux-parents à Tours et à peine arrivé, il prend contact avec un inspecteur de la DST. Un policier qu'il connaît déjà ? Oui, Lofti a été pris dans la grande rafle du printemps 86. Une rafle opérée dans les milieux chiites après la première vague d'attentats. Mais il a été rapidement relâché parce qu'on ne pouvait rien lui reprocher. Et c'est donc à cette occasion, enfin j'imagine, qu'il a rencontré ce policier de la DST. Exactement. Et l'inspecteur, après l'avoir interrogé, lui a donné sa carte. Un peu très mondain, cet interrogatoire. N'est-ce pas ? Mais dans quel but lui a-t-il donné sa carte ? Visiblement, cet inspecteur nourrissait l'espoir de faire de Lofti un indicateur. Un espoir ou une certitude ? Ça, je n'en sais rien, mais enfin, personnellement, je n'exclus pas l'idée que Lofti ait collaboré très tôt avec la DST. C'est-à-dire avant son départ pour l'Iran ? C'est très possible, oui. Peut-être même encore avant. Parce que vous allez le voir, beaucoup de choses dans cette affaire sont de le fabriquer. Mais reprenons justement le récit officiel, si je puis dire. Officiel. Pourtant, je croyais que la DST n'avait jamais reconnu l'existence de cette tour. C'est normal. Un service de contre-espionnage ne peut pas livrer sur la place publique tous ses petits secrets. Et plus tard, lors du procès du réseau terroriste, Lofti n'apparaîtra jamais. Malgré les demandes des avocats. Ouais, Lofti, l'homme qui n'a jamais existé. Oui, c'est à peu près ça. Mais enfin, il y avait peut-être des raisons supérieures qui interdisaient qu'on mette en lumière la taupe. Des raisons supérieures, c'est... La raison d'État, par exemple. Ah, ouais. On en reparlera. Je reprends donc ce que j'appelle peut-être à tort le récit officiel. Lofti appelle donc cet inspecteur de la DST qu'il connaît. Il veut le voir de toute urgence. Et il donne une raison précise, là ? Non, pas au téléphone, pensez bien. Les deux hommes se donnent donc rendez-vous et aussitôt, Lofti déballe son sac. Un récit incroyable. Il affirme qu'il connaît les terroristes qui ont sévi à Paris l'an dernier. Des hommes très dangereux qui s'apprêtent à recommencer. Et réaction de l'inspecteur ? J'imagine qu'il doit être éberlué. Mais peut-être méfiant aussi. Bien entendu, mais Lofti donne des détails troublants. Et surtout, ce qui accrédite d'une certaine manière son récit, il demande de l'argent, beaucoup d'argent. Combien ? 5 millions. Mm-hmm. C'est la récompense promise par le ministère de l'Intérieur pour la capture des terroristes. La capture ou la livraison d'une information sûre. Alors, Lofti se sent donc en mesure d'aider à l'arrestation de ces terroristes ? Oui, il affirme qu'il les connaît très bien. Et surtout, il dit qu'il est le seul à pouvoir les piéger et à fournir des preuves de leur culpabilité. Ça veut dire qu'il est donc prêt à prendre des risques. C'est ce qu'il dit, si on lui donne de l'argent, naturellement. Et l'argent tient donc une grande importance dans les motivations de Lofti. Incontestablement. Et vous le verrez, il ne cessera de réclamer son dû, mais il finira par obtenir en partie satisfaction. En partie seulement. À la DST, on n'a pas l'habitude de gaspiller l'argent. Et pour sortir de telles sommes, il faut un feu vert délivré par les plus hautes autorités. Lofti, en tout cas, est écouté avec attention. Oui, mais l'inspecteur Tourangeau sent que cette affaire le dépasse. Et il prend contact avec la division antiterroriste de la DST à Paris. Sont désormais ces hommes qui vont traiter le cas Lofti. Est-ce que Lofti, avant qu'il ne vienne à Paris, donne à l'inspecteur de Tours des indications qui étayent ces dires ? D'abord, il fournit des noms. Mais il dit aussi que lors de son séjour en Iran, à l'université islamique de Qom, il a été mis en présence de documents accablants. C'est-à-dire ? Il affirme qu'un jour, il a pénétré dans le bureau d'un dignitaire religieux, l'ayatollah Montazeri, un homme qui a longtemps été considéré comme le dauphin de Roménie. Et là, Lofty a pu prendre connaissance d'un dossier confidentiel sur les actions terroristes menées en France. Par l'Iran, non ? Par l'Iran, oui. Et ça, croyez-moi, c'est de la poudre aux yeux. Quoi ? L'action de l'Iran ? Non, l'histoire de ces documents secrets auxquels il aurait eu miraculeusement accès. À l'évidence, ça sent le montage. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. L'an dernier, le journaliste Patrice Trappier a publié chez Plomb un ouvrage très documenté, La taupe d'Allah. Présenté sous la forme d'un roman, mais collant de très près à la réalité, Trappier reconstitue toute l'affaire. Ainsi, cette première déclaration que la taupe a faite devant les inspecteurs de la DST à Paris. Très rapidement, je me suis aperçu que les autorités de Com ne cherchaient qu'une chose, embrigader les futurs élèves pour les destiner à devenir des terroristes potentiels. Pour ma sécurité et celle de ma famille, il ne m'était plus possible de reculer. Mais j'ai attendu le moment propice, une circonstance qui me permettrait de lâcher cette fonction sans qu'on puisse soupçonner que je n'adhérais plus à la cause islamique. Afin de me familiariser avec ce type de formation, j'ai été mis en présence de documents portant sur les principes de l'action de l'Iran. C'est ainsi qu'un jour, dans le bureau de l'ayatollah Montazeri, je me suis intéressé au dossier concernant la politique iranienne vis-à-vis de la France. À l'intérieur, il y avait un chapitre concernant l'utilisation de la lutte armée comme moyen de déstabilisation de la société française. J'ai lu un éloge concernant la menée d'actions terroristes à Paris au cours de l'année dernière. Selon ce document classé « très confidentiel », la paternité de ces actions revient à des militants Hezbollah libanais et nord-africains. Et la taupe. D'ajouter que les opérations terroristes étaient décidées par un conseil qui comprenait le président de l'Assemblée, Rafsanjani, le président de la République, Khamenei, et quelques autres autorités iraniennes. Le livre de Trappier, je le rappelle, est intitulé « La taupe d'Allah ». Donc vous ne croyez pas à la fable de ce dossier secret que Lofty aurait pu consulter en cachette? Évidemment non. Ne laisse pas traîner ce genre de document sur le coin d'une table, à moins que... À moins qu'on ait envie que quelqu'un puisse en prendre connaissance, c'est ça? Exactement. Et si ça a été le cas, ça veut dire qu'on savait très bien que Lofty était une taupe, vous comprenez? Je suis tout prêt à vous croire, mais ça signifie que les Iraniens auraient décidé de tirer contre leur propre camp, parce que le résultat, ça sera quand même l'anéantissement d'un réseau terroriste qu'ils étaient censés contrôler. Vous allez peut-être un peu vite, là. Enfin, je vous promets que je vous expliquerai. Ouais. En attendant, voyons la suite des événements. Toujours la suite officielle ? Toujours, oui. Lofty est donc conduit à Paris pour être entendu par des inspecteurs de la DST spécialisés dans la lutte antiterroriste. Et il répète ce qu'il a déjà dit à Tours. Il connaît les poseurs de bombes et contre la remise de la prime promise par Charles Pasqua et Robert Pandreau, il est prêt à les démasquer. Comment justifie-t-il sa trahison ? Question intéressante. Car Lofty est un militant chiite de longue date, très bien connu des services, comme on dit. Ce qui veut dire qu'on le surveille depuis longtemps. Et ce qui renforce ma conviction, Lofty avait noué des contacts avec la DST bien avant son voyage à Téhéran. Son dernier voyage, car il est allé plusieurs fois en Iran. Lofty est tunisien, m'avez-vous dit. Oui, oui. Ouais. Il y a peu de chiites dans ce pays. Vous avez raison. Mais très tôt, Lofty a été séduit par le chiisme. Et dès la révolution des ayatollahs, il se rend en Iran où il fréquente les bancs de l'université islamique de Qom. C'est là qu'il est choisi pour devenir une sorte de commis-voyageur de l'intégrisme chiite. On l'a donc remarqué. Exact. Lofty est un jeune homme intelligent, cultivé et qui parle plusieurs langues. Une excellente recrue. Incontestablement. Et le Tunisien est un militant convaincu. Et c'est pourtant le même homme qui va trahir quelques années plus tard. Alors, je vous repose la question. Comment peut-il justifier ensuite ce reniement ? Eh bien, ce jeune homme qui connaît parfaitement l'Iran et ses maîtres semble soudain découvrir que les Iraniens sont racistes et méprisent tous ceux qui ne sont pas des Persans, et en particulier les Maghrébins. Oh, c'est une découverte bien tardive, n'est-ce pas ? Bien sûr. Et c'est une nouvelle preuve que tout ça ressemble à une construction. Ouais. Pour dissimuler le recrutement de Lofty par le contre-espionnage français ? C'est la première idée qui vient à l'esprit, en effet. Autre incohérence. Lofty prétend qu'après avoir émis ses premières critiques contre le régime corrompu des Mollahs, il a été mis sur la touche. Et lui et sa famille ont dû fuir clandestinement l'Iran au prix de 1000 difficultés. Or, c'est ce renégat qui propose à la DST d'infiltrer un réseau islamiste. Avouez qu'il n'est pas le mieux placé, quand même. Et ça signifie quoi? Bon, c'est un nouveau mensonge. Ouais. Une nouvelle construction, comme vous dites. Oui, mais tout ça s'explique, vous verrez. Ouais. Mais il faut donc patienter. Oui, c'est pas la première fois. Ouais. Alors, poursuivons le récit officiel, si vous voulez bien. Aux inspecteurs de la DST, Lofty commence par réitérer ses revendications. Ouais, l'argent. Ouais, l'argent, oui, mais il veut aussi que la DST s'engage à l'exfiltrer vers les États-Unis dès que les terroristes auront été arrêtés. Parce qu'il a peur que les poseurs de bombes ne se vengent sur lui. Bien entendu. Ça ne me paraît pas déraisonnable. Vous avez raison. Et Lofty expose son plan. La DST doit lui procurer un appartement, un lieu qu'il va transformer en école coranique. Pourquoi? Parce qu'il pense y attirer ces terroristes qu'il connaît très bien. Il suffira ensuite aux spécialistes de la DST de sonoriser cet appartement pour obtenir de précieuses informations. Ouais, sonoriser, ça veut dire dissimuler les micros, il faut le rappeler. Oui, bien sûr. Et les gens de la DST réagissent comment devant cette proposition? Ils sont très excités. D'autant que Lofty leur a donné un premier nom, celui qui serait le chef du réseau terroriste, un certain Fouad Ali Saleh, un Tunisien comme lui. Ce Fouad est déjà connu de la DST? Oui. Comme Lofty et beaucoup d'autres, il a fait partie de la grande rafle du début 86. Et comme Lofty, il a été relâché. C'est cela. Mmh. Mais il y a autre chose. Au début de l'année 87, les policiers allemands ont arrêté un nommé Mohamed Ali Amadé. Ce Libanais est un militant du Hezbollah. Et il appartient à un clan qui a une longue expérience du terrorisme. Et pourquoi a-t-il été arrêté par les Allemands? Parce qu'on a trouvé dans ses bagages plusieurs bouteilles d'arak. Et les douaniers ont été naturellement intrigués. Et c'est vrai que la présence d'alcool dans les valises d'un musulman... Alors on a analysé le contenu de ces bouteilles et on a découvert qu'elles ne contenaient pas d'alcool mais un puissant explosif liquide, du nitrate de méthyle. Et après de nombreuses péripéties que je vous passe, Amadé finit par reconnaître que cet explosif était destiné à alimenter des réseaux terroristes implantés en France. Oui, mais le lien avec ce... Fouad Ali Saleh, hein. J'y viens. En même temps que les bouteilles, les policiers allemands ont saisi des documents et un carnet d'adresses. Ils ont bien sûr transmis une copie de ce carnet à leurs homologues français de la DST, et les analystes du contre-espionnage, en décryptant ces adresses codées, ont relevé en particulier un numéro de téléphone, celui d'un certain Ali El Tounsi, c'est-à-dire Ali le Tunisien. Ali comme Fouad Ali Saleh. Oui. Alors justement, Lofty a donné aux policiers de la DST le numéro de téléphone de son ami Fouad. C'est le même que celui qui a été retrouvé dans le carnet de Amadé. Et c'est donc une confirmation éclatante des révélations de Lofty. Bien évidemment. La DST peut désormais passer à l'action. Et accéder aux demandes de Lofty. Pas toutes. C'est toujours la question de l'argent qui fait problème. À la DST et au ministère de l'Intérieur, on ne se précipite pas pour desserrer les cordons de la bourse. Et malgré les récriminations de Lofty, l'argent est distribué au compte-gouttes. Et Lofty accepte là ce compte? Que voulez-vous qu'il fasse d'autre? Il est entre les mains de la DST, il le sait très bien. L'opération se met en place alors? Oui, la DST trouve un appartement rue de la Voûte, près de la Nation. C'est pour installer la pseudo-école coranique. C'est ça. Ouais. Et dans le même temps, Lofty reprend contact avec son vieil ami Fouad Ali Saleh. Celui-ci n'a donc aucun soupçon? Pas du tout, ce qui montre bien que pour Téhéran, Lofty demeure un homme sûr, malgré sa prétendue fuite d'Iran. L'information aurait pu ne pas parvenir à Paris. Impossible. Hein. Pourquoi? Parce que Fouad est très proche d'un certain Gorgi. C'est même ce dernier qui l'a envoyé lui aussi faire ses classes à l'université de Com. Vous voulez parler de Wahid Gorgi, l'homme qui sera au centre de l'affaire de l'ambassade d'Iran à Paris? Lui-même. Gorgi, vous le savez, obtiendra de quitter librement le territoire français malgré les soupçons qui pèsent sur lui. Gorgi, officiellement interprète de l'ambassade, était vraisemblablement le représentant en France des services iraniens. Oui, mais contre lui des soupçons, mais à ma connaissance, il n'y avait pas de preuves. C'est exact. C'est pourquoi le juge Boulouk sera obligé de le laisser partir. Mais revenons à notre affaire. Si Lofty avait représenté le moindre risque pour les réseaux iraniens, Fouad Ali Saleh aurait été immédiatement prévenu par Gorgi. Sauf bien sûr si ce dernier était au courant de la manipulation qui se préparait. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Qui est Fouad Ali Saleh? J'emprunte ces quelques éléments biographiques à Didier Bigot, un universitaire qui a consacré une étude sur le réseau de Fouad Ali Saleh dans la revue Cultures et Conflits. En 1987, ce passionné de Dieu sans logement, naturalisé par le mariage, vit en vendant des fruits dans le métro. Il a de nombreux amis qui l'hébergent. Certains ignorent qu'Ali Fouad Saleh se sert de leur hospitalité pour entreposer chez eux des explosifs. Il est né à Paris le 10 mai 1958 de nationalité tunisienne, a passé toute son enfance à Tunis, qu'il ne quittera que pour l'Iran en 1982. Après un bref séjour à Com, il revient à Tunis d'où il repart immédiatement pour Paris. Très lié au renouveau coranique de la capitale et à la création de nouvelles mosquées, il se lie d'amitié avec Mohamed Mouadjer, étudiant libanais en philosophie à la Sorbonne, qui a suivi lui aussi des cours à l'université de Qom en Iran. Ce dernier l'aide à repartir à Qom pour un séjour plus long et lui fait rencontrer à cet effet Waheed Gorgi, attaché à l'ambassade d'Iran. Waheed Gorgi obtiendra, pour Fouad Saleh, une bourse d'études pour Qom où il restera un an. Là-bas, ses rapports avec les autorités iraniennes sont sujets à controverse. Toujours est-il qu'officiellement, Ali Fouad Saleh est emprisonné à la mi-1984, puis expulsé vers la France. Il y arrive en mai ou septembre. Devant l'esplanade du centre Beaubourg, où il se lance dans la prédication, il rencontre Mohamed Mehdi, combattant du Hezbollah libanais. Mohamed Mehdi revient, entouré d'autres de ses amis, pour écouter Fouad Saleh, dont l'ardeur dans les prêches attire un nombre important de personnes. Il lui fait rencontrer Alaa Alaeddine, Sami Slim et d'autres membres du Hezbollah. Parallèlement, Fouad Saleh retrouve Abdelhamid Badawi, étudiant marocain qu'il avait connu en 1982, et lui présente certaines de ses relations, tunisiens comme lui, Haïssa et Aroua. S'agissait-il dès cette époque pour lui de recruter sur ordre du Hezbollah, ou ces derniers étaient-ils dans l'ignorance des attaches de Fouad Saleh avec les Libanais et le prenaient-ils simplement pour un homme inspiré par la foi religieuse? Il est difficile de trancher. À noter donc que Fouad Ali Saleh, comme Lofti, aurait été en délicatesse avec les autorités iraniennes, ou du moins certaines autorités iraniennes. C'est évidemment l'une des clés du mystère. Rue de la Voûte, le piège est donc en place. Et grâce au micro placé dans l'appartement, les policiers de la DST accumulent les informations. Parce que Fouad Ali Saleh se rend rue de la Voûte. Et fidèle à sa technique, il y entrepose des explosifs. Mais qu'est-ce que c'est que cette technique? C'est ainsi que Fouad tient les membres du réseau. Il demande à ses bons musulmans, souvent désargentés, d'entreposer chez eux des affaires lui appartenant. En fait, il s'agit d'explosifs. Des bombes qui vont être utilisées pour la plus grande gloire d'Allah. Et si le type accepte, il est coincé. Mouillé, c'est ça? Oui, enfin ensuite il ne pourra plus rien refuser à Fouad. Ouais. Alors donc, rue de la Voûte... Fouad va y transporter des dizaines de kilos d'explosifs à la mi-mars. Attendez, la mi-mars dites-vous, hein, mais ça fait donc à peine quelques jours que Lofti s'est installé rue de la Voûte. Exactement. Tout est donc allé très très vite. Mais oui, ça montre que Fouad Ali Saleh avait une totale confiance dans son ami Lofti. Fouad Ali Saleh et Gorgi, bien évidemment. Ouais, donc les services iraniens. Je suis persuadé. Ouais. Et toutes ces informations que la DST recueille grâce à la sonorisation de l'appartement? Fouad parle, il parle beaucoup à son compatriote Lofti. Mais j'imagine que celui-ci, doit le faire parler aussi. Bien sûr, c'est sa mission. Une mission pour laquelle il espère bien être enfin payé et obtenir son billet d'avion pour les États-Unis. Alors que dit exactement Fouad Ali Saleh? Mais il confirme d'abord ce que Lofti a déjà dit aux hommes de la DST, c'est bien l'Iran via le Liban qui donne les ordres. À quel niveau? Le plus haut. D'après Fouad, l'ayatollah Khomeini lui-même est informé et donne son accord. Est-ce que Fouad assume la responsabilité des derniers attentats? Absolument, il donne de nombreux détails. Le Tunisien affirme même qu'il existe deux groupes de terroristes qui utilisent la même source d'approvisionnement en explosifs, c'est-à-dire le Hezbollah. L'un est composé de Libanais qui quittent le territoire français dès qu'ils ont agi. L'autre regroupe essentiellement des Nord-Africains. Et c'est Fouad Ali Saleh qui coordonne tout ça, là? Oui, ouais, en plein accord avec les dirigeants du Hezbollah au Liban. Ouais. Pourquoi deux groupes? Pour des raisons de sécurité. Si un groupe tombe, l'autre pourra toujours continuer à agir. Or, justement, les terroristes sont de nouveau prêts à frapper. Et il est prévu qu'en attendant le déclenchement de l'action, les explosifs entreposés rue de la Voûte vont être dissimulés dans les sables de la forêt de Fontainebleau, où sont d'ailleurs déjà cachés d'autres explosifs. J'imagine que ce nouveau transfert va être pour la DST une occasion inespérée de prendre les terroristes en flagrant délit. C'est certain. Mais l'opération présente des risques. Pourquoi? Il est délicat d'arrêter des hommes déterminés qui sont en possession d'un explosif liquide et particulièrement instable. Mais les policiers ont parfaitement préparé leur manœuvre. Et Fouad Ali Saleh et deux de ses comparses sont interpellés au moment même où ils s'apprêtent à charger les explosifs dans un taxi appartenant à un complice. Mais Lofti, lui? C'est bien gardé d'être présent. Ouais. Alors, pour la DST, c'est un succès, hein? Un très beau succès. Et qui sera suivi d'autres arrestations, car à part Fouad qui fait front, les autres membres du réseau parlent assez facilement. Seuls quelques Libanais qui ont regagné leur pays échappent au coup de filet. J'ajoute qu'après de longues recherches, la DST retrouvera les explosifs dissimulés à Fontainebleau. Ouais. Logiquement, Lofty doit maintenant recevoir le prix de sa trahison. Logiquement, oui. Mais à la DST, une fois de plus, on traîne les pieds. On exige de Lofty d'autres renseignements. Parce qu'il n'a pas tout dit ? Apparemment. Et effectivement, toujours grâce à lui, d'autres hommes liés au réseau vont être interpellés. Mais le Tunisien commence à s'impatienter. Il veut son argent et son billet pour les États-Unis. Mmh. Mais comment expliquer ces atermoiements de la DST ? Les policiers ne veulent pas lâcher leur taupe tout de suite. Lofty, ils en sont sûrs, peut être encore utile. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir arrêté les membres du réseau, il faut aussi remonter la filière de l'approvisionnement en explosifs et mettre en lumière la responsabilité de Téhéran. Mais d'après ce que vous avez dit, ça semble acquis, non ? Ah, c'est pas si simple. Le Hezbollah libanais joue le rôle d'un coupe-circuit. Les ordres viennent de Beyrouth, mais comment impliquer formellement les Iraniens ? C'est là l'origine de l'affaire Gorgi. En organisant ce spectaculaire bouclage de l'ambassade iranienne, les autorités pensent aboutir et forcer Gorgi à parler. Mais l'affaire, comme vous le savez, se terminera. Et l'Iranien pourra quitter librement la France. Oui, ouais, ouais, sans avoir rien avoué, mais enfin, il faut dire que la raison d'État a pesé très fort. Attendez, la raison d'État, là ? Bien sûr. Au gouvernement, certains pensent qu'il vaut mieux négocier avec Téhéran plutôt que de tenter une épreuve de force. Et ce sont ceux-là qui vont l'emporter. Faut pas oublier que le sort de nos otages au Liban est aussi en jeu. Mais derrière, il y a également un marchandage encore plus formidable. Qu'est-ce que c'est ? Eurodif. Cet argent que le Shah nous a prêté autrefois et qui devait permettre à terme à l'Iran de se doter de l'arme atomique grâce à l'uranium enrichi produit par Eurodif. Oui, mais la révolution islamique a changé la donne. Hein. Forcément. Mais les ayatollahs ne l'ont pas entendu de cette oreille. Et ils n'ont cessé de réclamer l'exécution du contrat, ou au moins le remboursement. Et je vous l'ai déjà expliqué, l'affaire Eurodif est à l'origine de la plupart des attentats que nous avons subis. Et bien sûr des prises d'otages de nos concitoyens au Liban. Oui, or chez nous, mais aussi en Iran, il existait des hommes qui préféraient la négociation au conflit. Des modérés iraniens. Si vous voulez. Et c'est là l'explication de l'affaire Fouad Ali Saleh et de l'action de la taupe Lofty. Ah, soyez plus précis. Lofty, qui était bien connu par certains Iraniens pour être une taupe française, a été envoyé en France avec pour mission de faire tomber le réseau terroriste de Fouad. C'était un message que ces modérés voulaient délivrer aux autorités françaises. Oui, mais un message qui voulait dire quoi ? Nous sommes capables de semer la terreur chez vous, nous en avons fait la démonstration, et maintenant nous arrêtons à condition que l'affaire Eurodif soit réglée. Je veux bien vous croire, mais quelles preuves pouvez-vous apporter ? Des preuves dans ce genre d'affaires, on n'en a jamais. Mais interrogez-vous, ne trouvez-vous pas bizarre que ce soit seulement 3 semaines après le retour en France de Lofty que le réseau de Fouad Ali Saleh a été démantelé ? 3 semaines. Une sorte de record, quand même. Ouais, peut-être, mais admettons. Et Lofty, alors, qu'est-il devenu ? Après avoir tenté un dernier chantage, il a reçu 1 million de francs. Il a été remis aux États-Unis entre les mains de la CIA, qui avait certainement beaucoup de questions à lui poser. Et ce chantage-là Lofty, je vous l'ai dit, il s'impatientait. Et comme on ne le payait toujours pas, il s'est débrouillé pour prendre contact avec un journaliste auquel il a confié une petite partie de l'histoire. Aussitôt, la DST s'est rendue à ses raisons. Il ne fallait surtout pas qu'on apprenne la vérité sur le véritable rôle de la taupe. Je n'ai trouvé nulle part une confirmation de la thèse de M. X. Seulement, une petite indication dans le livre de Patrice Trappier déjà cité, « La taupe d'Allah ». On y lit qu'un inspecteur de la DST, Lofty, aurait raconté la lutte entre les diverses tendances du pouvoir iranien, entre Qom et Téhéran, entre Khomeini et son dauphin bientôt répudié, Montazeri, entre Ali Khamenei, l'homme de l'intransigeance, et Ali Rafsanjani, partisan du rapprochement avec la France. Quant à la responsabilité de l'Iran dans cette affaire, je lis dans le même ouvrage, le 23 juillet 1987, le quotidien Libération créa une nouvelle turbulence en révélant l'existence d'un rapport de la DST à destination de Matignon et la place Beauvau qui ne laissait aucun doute sur l'implication de Téhéran dans les attentats de Paris. L'article de l'écrivain spécialiste des enquêtes explosives, Pierre Péan, était titré « 60 pages qui accusent Khomeini ». En réalité, dès avril, Jacques Chirac avait été destinataire d'une première étude, plus sommaire, établie notamment à partir des discussions enregistrées entre Lofty et Fouad. Revenant d'un voyage aux États-Unis, Chirac y avait fait allusion. « Il y a plus de raisons que vous ne croyez pour suspendre le processus de normalisation avec l'Iran. » Cette fois, Pierre Péan entrait dans le détail, expliquait que le rapport était divisé en 4 parties, dont les seules têtes de chapitre étaient bien explicites. le fonctionnement du Hezbollah, la présence iranienne au Liban, l'intégrisme chiite, le rôle majeur de l'université de Qom dans l'exportation de la révolution islamique. Enfin, je vous signale la parution chez Fayard du troisième tome de L'œil du pouvoir, l'ouvrage de l'ancien conseiller de François Mitterrand pour les problèmes de sécurité, Gilles Ménage, un tome consacré entièrement au terrorisme moyen-oriental. Enfin, une fois n'est pas coutume, je vous recommande un ouvrage qui vient de paraître à propos d'un autre massacre, un grand fait divers. Ça s'appelle « Notre sang quotidien, le journaliste et l'assassin » et c'est signé Alain Scoff et c'est paru chez Flammarion. À samedi prochain, et je vous rappelle notre adresse internet où vous pouvez nous joindre, nous poser des questions et réécouter cette émission, franceinter.com.